une histoire particulière. Une nouvelle fusillade de masse le 14 février 2018 dans une école de Floride a rappelé que les meurtres de masse sont courants aux États-Unis. Rien que pour 2018, il s'agit de la 18e fusillade dans un établissement scolaire américain depuis le début de l'année. Cela équivaut à une fusillade toutes les 60 heures. Parkland, situé à environ 80 km au nord de Miami, s'ajoute aux 290 fusillades recensées en milieu scolaire depuis 2013. D'après les chiffres du FBI, la fréquence des tueries en milieu scolaire est en hausse depuis l'an 2000. Ces fusillades sont celles qui, cumulées, font le plus de morts. La plupart du temps, l'auteur des coups de feu est un élève de l'établissement. Le 24 mars dernier, ce sont plus d'un million d'Américains qui ont manifesté pour réclamer des restrictions à l'achat d'armes à feu après cette tuerie de Parkland qui a fait 17 morts. Avez-vous déjà tenu une arme à feu? Avez-vous déjà tiré avec une arme à feu? C'est pour une histoire particulière, une nouvelle occasion de nous intéresser à cet objet, l'arme à feu. Pour Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian, c'est aussi s'interroger sur le slogan de la NRA, « Les armes ne tuent pas les hommes tuent les hommes ». Bon. Ah, donc là, on a fait le démontage sommaire d'un pistolet semi-automatique de marque Glock. D'accord. Est-ce que je peux essayer de remonter, là? La remonter? Ouais, ouais. Vous pouvez me montrer... Alors, vous allez commencer par la glissière. Vous allez mettre le canon dans la glissière. Donc en fait, il faut la bouche du canon, il faut la faire passer dans le trou qui est à l'avant de comme la glissière. Ça. Non, dans l'autre sens. Comme voilà, ça. Comme ceci. Voilà, vous allez caler votre chambre à l'arrière, voilà, donc là elle est verrouillée hermétiquement. Ensuite vous allez prendre le ressort récupérateur, donc l'avant vous allez le mettre dans le petit orifice qui est ici, et l'arrière vous allez venir le caler, voilà, faut comprimer et faut venir caler, comprimer. Voilà, comprimer et okay. Venir caler ici, très bien, c'est ici, bon, voilà. Ça se cale tout seul. Ensuite vous allez prendre la carcasse, et là vous avez en fait ici à l'intérieur de la glissière des rails. Ouais. Et vous avez des guides sur la glissière, donc il va falloir passer par l'avant. Par l'avant ici. Voilà, et d'accord. Venir faire glisser jusqu'au bout. À fond, voilà. J'ai pas armé le bruit que j'ai entendu, mais c'est pas. Non, c'est juste les ressorts qui se calent. D'accord. Si vous voulez armer le percuteur, oui. Il faut tirer la glissière vers l'arrière. Voilà. D'accord. Et là, le percuteur est maintenant armé. Donc si vous appuyez sur la détente, vous allez l'entendre partir. Qu'est-ce qu'une arme? Une histoire particulière de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian. Les armes ne tuent pas les hommes. Les hommes tuent les hommes. Ce slogan de la NRA est une affirmation difficile à contester. Elle ramène l'arme à feu à sa nature d'objet, la déresponsabilisant par la logique. Selon ce raisonnement, une arme à feu serait un objet comme les autres. Alors pourquoi l'accuser? D'ailleurs, accuse-t-on un objet? En termes de philosophie, l'objet se définit comme tout ce qui est en dehors de l'âme. Selon la NRA, une arme à feu est à mettre au même point d'égalité qu'une tasse de café, une chaise ou une cravate. Et pourtant, quelque chose résiste dans cette mise en comparaison. Alors, l'arme à feu est-elle un objet comme les autres? Expérience. Posez une tasse à café sur votre bureau. Mettez-y des ciseaux, des crayons, une gomme. Observez comme le quotidien et l'usage vous amèneront à observer la tasse, non plus comme une tasse, mais uniquement comme un pot à crayon. Maintenant, posez une arme à feu sur le bord de votre bibliothèque, afin qu'elle tienne une rangée de livres. Pensez-vous pouvoir, avec le temps, la regarder uniquement comme un serre-livre? En me rendant auprès de scientifiques au regard distancé, j'ai voulu essayer de regarder cet objet, comme si j'en voyais un pour la première fois. J'ai voulu savoir ce que c'était, comment ça marchait, à quoi ça servait, ce que ça produisait. Déconstruire, démonter pièce par pièce l'objet, mot par mot son sens, sa nature propre. Essayez peut-être même de le regarder comme un stylo, pour comprendre. Donc là, on est au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, donc c'est à peu près 30 km au nord-ouest de Paris. Donc le pôle judiciaire a maintenant des nouveaux locaux depuis 2015. Là, vous êtes donc dans les locaux de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, donc IRCGN pour l'acronyme, et plus précisément au sein du département balistique de l'IRCGN, et qui se trouve, donc nous on est semi-enterrés pour des raisons notamment de sécurité, puisque comme on est un département qui s'occupe d'armes et de munitions, les, forcément tout ce qui est accès et voie vers l'extérieur est contrôlé au maximum. Donc je suis le capitaine Cédric Sautier, je suis le chef du département balistique à l'IRCGN. Ma mission proprement dite est de commander le département et donc de faire en sorte qu'il puisse remplir au mieux toutes ses missions et de réaliser des expertises judiciaires dans le cadre des départements, donc comme n'importe quel expert du département pourrait le faire. Alors mon parcours, moi, après avoir fait des classes préparatoires scientifiques, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai intégré la gendarmerie nationale. J'ai fait 3 ans de chef de division en section de recherche. Et ensuite, je suis arrivé à l'IRCGN, donc où j'ai suivi le cursus de formation des experts en balistique. Et je viens de valider un Master 2 en mathématiques appliquées dans ce cadre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le lieu ? Alors, donc ici, donc vous êtes dans une grande salle aveugle qui contient donc des grands râteliers sur lesquels sont entreposées un peu plus de 10 000 armes. Donc ça va du plus petit pistolet au revolver qui fait quelques centimètres de long à certains fusils antimatériels ou mitrailleuses lourdes qui pèsent quelques dizaines de kilos et font pour certaines presque 2 mètres de long. C'est quand même des munitions qui font pour certaines 10 cm de long et pour le projectile presque 15 mm de diamètre. Mais en langage militaire, c'est ce qu'on appelle du petit calibre. En termes d'armes, les plus petites qu'on peut avoir sont par exemple ce stylo pistolet. Donc, la taille, c'est un stylo, hein. C'est ni plus ni moins qu'un stylo, sauf qu'à la place de la mine, vous avez une bouche de canon qui permet de tirer des projectiles. Donc avec juste un ressort, vous armez le ressort, et quand vous lâchez, vous avez le départ du coup de feu. Et on est de l'ordre de quelques dizaines de grammes, on va dire entre 20 et 50 grammes à peu près. D'accord. Tout simplement. Ok, où est-ce que ça a été découvert ou trouvé ça ? Celui-là a été découvert dans une fouille de cellules à Fleury-Mérogis. Et là-dedans, donc une munition de 22 longs. On met une munition de 22 longs rifles. D'accord. En fait, vous avez un embout, l'embout du canon se dévisse. Vous venez insérer dans cet embout une munition de 22 longs rifles, que vous venez revisser sur le corps du stylo. Et le corps du stylo, en fait, possède un système de percuteur, juste en fait un ressort qui vient lancer un percuteur. Normalement, le ressort qui sert à sortir la mine du stylo quelque part, en fait. Par exemple. Donc ça, on est dans le plus petit. Voilà, on est dans ce qu'il y a de plus petit. Ensuite, vous avez toute la gamme des armes de poing. Donc les armes de poing sont des armes qui sont destinées à être utilisées à une main. Donc principalement les pistolets, les revolvers. On va aussi inclure les pistolets mitrailleurs, donc qui sont des armes qui tirent en rafale cette fois, mais qui, pareil, sont destinées à être utilisées à une seule main. Ensuite, on va distinguer les armes d'épaule, qui elles sont destinées à être épaulées et à être utilisées principalement avec les deux mains. Voilà une des grandes distinctions. Et enfin, dernière distinction pour les armes beaucoup plus lourdes, ce qu'on appelait plutôt les armes collectives, qui sont elles destinées non plus à être ni épaulées ni portées, mais tout simplement posées sur des affûts ou montées sur des véhicules, ou des chars ou des blindés, ce genre de choses, qui elles sont donc sur affût et non pas portées par l'homme. Vous le montrez ? Oui. Bah, par exemple, en armes collectives, parmi les choses les plus volumineuses qu'on a, on a ce genre d'armes, par exemple. Son petit nom, c'est la Browning Machine Gun. Donc, c'est une mitrailleuse de calibre 12.7x99. C'est le calibre de 12,7 mm de l'OTAN. C'est ce que, voilà, par exemple, l'armée française en a encore. On utilise tous les jours en opération extérieure. Donc là, c'est des armes qui sont destinées, donc dites collectives, parce que destinées à être utilisées par au moins 2 hommes, notamment un tireur et un chargeur. Donc en fait, les munitions sont reliées entre elles par des maillons métalliques. Voilà. Et vont rentrer par le côté de l'arme, être tiré, et ensuite les maillons et les étuis sont éjectés d'un côté de l'arme, le projectile part par le bout du canon. Il n'y a pas le LAI dessus ? Il n'y a pas le LAI dessus ? Non, pas de la poignée additionnelle. Voilà, c'est quelque chose, attention. Il y a la sûreté ? Voilà. C'est quand même assez impressionnant, la taille des munitions. Ainsi que déjà la taille du canon qui fait à peu près combien ça fait Là vous avez 50, oui, enfin tout compris l'arme en entier on doit faire un peu plus d'1m50, oui on pourrait le mesurer, j'ai pas la taille exacte. En poids on est sur plusieurs dizaines de kilos en comptant l'affût. Donc le plus souvent, et l'arme est livrée notamment en dotation dans les armées avec deux canons. Le canon étant une pièce qui chauffe extrêmement vite, notamment quand on tire en rafale. Les soldats sont souvent amenés à le changer, en fait, pour permettre à un des canons de se refroidir pendant qu'on tire avec l'autre, par exemple. D'accord. Voilà. Donc le canon qui en soi fait à peu près un peu plus d'un mètre également. Voilà, ça c'est pour, on va dire, on est passé d'un extrême à l'autre, donc du plus petit au plus gros, et ensuite on a toute la gamme intermédiaire, donc des armes de poing, on va dire, plus classiques, type revolver ou pistolet. Alors le fameux FAMAS, qui est l'arme réglementaire de l'armée française pour encore quelques temps, il vient d'être, vous l'avez ici par exemple, les deux générations. Donc le fameux FAMAS que vous avez ici, qui fait 74 cm de long, c'est une arme qui est en général très bien connue, parce que tout simplement on a tous un petit passif militaire qui fait qu'on s'en est tous déjà servi. Voilà, c'est une arme donc qui est de calibre 757, hein, j'étais pas loin. Donc 757 mm de long, le canon. C'est l'arme qui équipe l'armée française depuis la toute fin des années 70 et qui vient d'être officiellement remplacée par le fusil HK-416. Qui a un look, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais beaucoup plus agressif. Je ne sais pas lequel des deux peut être le plus agressif. Puisque de toute façon, une arme à feu est à la base quand même un objet qui a été conçu, destiné et amélioré pour tuer. Donc à la base, ça reste quand même quelque chose qui, par nature, est agressif, même si l'arme n'a pas de volonté propre et ne fait qu'obéir à celui qui la manipule. Comment vous vous retrouvez à travailler entouré de 10 000 objets comme celui-là ? En fait, tout simplement, l'arme proprement dite... Pour moi, ça reste, on va dire, une sorte d'outil, donc ça dépend ce qu'on veut en faire. Quand on est soldat, pour gagner une guerre, tout simplement. Quand on fait partie des forces de l'ordre, c'est l'outil ultime qui va permettre d'arrêter un crime ou de réprimer quelque chose, même si ça doit rester l'ultima ratio. Voilà, c'est un outil, et pour l'usage criminalistique qu'on en a, en fait, c'est un objet d'étude qui a servi le plus souvent à commettre un crime. Et donc pour lesquels on va devoir apporter une réponse technique au magistrat ou à l'enquêteur. Est-ce que vous diriez que cet objet est un objet qui ne pourrait pas être comparé à d'autres objets, un objet à part ? Ça peut être vu comme un objet à part par sa destination, parce qu'il y a... C'est un objet qui, à la base, est conçu pour blesser, voire tuer. C'est ce qui en fait même la définition, hein. C'est la définition d'une arme. Mécaniquement, c'est un objet qui est aussi un peu à part, parce que, par exemple, c'est une des rares inventions de l'homme qui exploite l'énergie d'une explosion, puisqu'on a une explosion au niveau de... petite explosion au niveau de la munition qui va propulser un projectile. Et à ma connaissance, je connais que deux grandes familles de machines qui exploitent les explosions, c'est l'arme à feu et le moteur à explosion que vous avez dans vos voitures. C'est un objet, ça c'est sûr, aucune aura ou aucun pouvoir, là ça serait, je pense, mentir. Alors je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que justement, moi, comme vous le disiez, je suis entouré toute la journée d'armes à feu, donc c'est quelque chose que par mon métier j'ai banalisé. C'est quand même un objet qui n'est pas anodin. Si demain vous sortez votre smartphone au milieu d'une foule, il y a peu de chances qu'on vous regarde. Si vous sortez une arme au milieu d'une foule, je pense que la réaction va pas être la même. Donc de là à dire que c'est un objet anodin, ce n'est pas le cas. C'est un objet qui doit être manipulé avec beaucoup de précautions, parce que quand il est mal manipulé ou manipulé à mauvais escient, c'est dévastateur, extrêmement dangereux. Mais ça, voilà, ça reste un objet, comme je le disais. Vous pouvez vous mettre devant une arme chargée tant que personne ne la manipule, il n'y a aucune raison pour que le coup parte et pour que vous soyez blessé ou tué. Bien que je le répète, il faut jamais se mettre devant une arme chargée. Ça fait partie des quatre règles de sécurité fondamentales à toujours respecter. Thank you. Donc moi je suis le docteur Michel Masvé, donc je suis médecin légiste. Moi j'exerce au sein du département médecine légale, donc dans lequel on se trouve, donc c'est un département qui est au niveau -1, hein, et dans ce plateau technique, ben, nous avons une salle bien sûr de conservation des corps, puisque les corps qui nous arrivent et qui vont faire l'objet d'actes d'expertise dans le temps parfois, eh bien ils doivent être préservés. D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est un frigo. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez des groupes froids, en fait, hein, de ces frigos qui viennent de se déclencher pour maintenir une température constante. Donc ici, on a, vous êtes en face donc, de 9 cellules hein, de conservation des corps. Vous en avez 6 qui sont donc, ce qu'on appelle en froid positif. Donc froid positif, bah, c'est votre réfrigérateur en une température qui est entre 0 et plus 5 degrés. Devant nous, en fait, il y a 3 grandes portes. Oui, voilà. Alors vous avez 3 grandes portes en inox. Hein, vous voyez... Sur chaque porte, il y a des numéros qui sont inscrits. Hein. Pourquoi ? Parce que vous avez 3 casiers derrière chacune de ces portes. Et sur ces casiers, eh bien, vous voyez marquer des numéros d'ordre. Ces numéros d'ordre, eh bien, c'est le numéro d'arrivée des corps. D'accord. Voilà, qui sont attribués par nous. Donc ici, moi je vois 3 numéros. Voilà, donc là, il y a 3 corps. Là, vraisemblablement, à l'heure actuelle, voilà, vous avez 3 corps donc, qui sont conservés dans les cellules. Est-ce qu'on peut observer comment est-ce oui, que... Oui, bien sûr, on va ouvrir et puis je vais vous montrer, on va sortir sur un plateau. Donc là, vous avez utilisé une sorte de brancard. Voilà, alors là on a. Sur lequel vous avez fait glisser le plateau sur lequel se trouve une espèce de housse en plastique blanc. Oui. Qu'on peut entendre. Voilà, donc ici. En fait, hein, ça classiquement, ce sont donc, bah, les housses mortuaires. Hein, donc ce sont les housses dans lesquelles les corps sont placés, tels qu'ils sont découverts sur les lieux de la scène de crime hein, ou de la scène de découverte. Et puis nous les disposons sur ces plateaux en inox. Qui sont des plateaux qui vont dans les qui sont disposés dans, sur des rails dans la cellule de conservation des corps de manière à les conserver. Allez, je rentre. Docteur Masvé, question va vous paraître un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'un corps ? Eh bien, écoutez, bonne question. Bah pour nous, évidemment, en médecine légale, un corps, eh bien, c'est un être humain, avant tout, bien sûr, qui est décédé, qui est mort. Alors, vous faites bien de poser la question du corps, parce qu'on ne travaille pas toujours sur des corps entiers. Il peut arriver, bien sûr, que dans certaines affaires, vous puissiez avoir des fragments simplement de corps parce que le criminel a démembré éventuellement ce corps, l'a mutilé. Pour vous qui travaillez de concert avec le département balistique, comment vous définiriez une balle ? Qu'est-ce qu'une balle ? Pour le médecin, déjà, en fait, et on le verra tout à l'heure sur le scanner, une balle, c'est un corps étranger. Déjà. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'appartient pas au corps, mais qui va pouvoir eh bien, pénétrer à l'intérieur de ce corps, alors qu'il n'a rien à y faire, enfin, alors qu'elle n'a rien à y faire à l'origine, et bien sûr, y générer un certain nombre de délabrements, de dégâts, qui vont pouvoir être à l'origine du décès. Capitaine Sautier, qu'est-ce qu'une balle ? Alors, ce qu'on va appeler, nous, une munition, c'est l'ensemble d'un projectile. Donc dans le langage courant, une balle, plus un étui, la poudre qu'il contient, et l'amorce qui est au culot de cet étui. Le tout forme un système cohérent qui, lorsqu'on assemble le tout ensemble, ça fait une munition. La balle, proprement dite, pour nous, c'est uniquement la partie qui va passer à travers le canon et aller frapper la cible. Partir de l'arme. Voilà, partir de l'arme, quitte l'arme. Par le canon. L'étui, lui, va soit rester dans l'arme, soit être éjecté par la chambre d'éjection. Mm-hmm. Mais lui, en tout cas, n'est pas destiné à aller frapper la cible. Alors, parlez-nous des différentes munitions existe. Alors, il existe des centaines de munitions, voire des milliers, si on considère les calibres qui ont disparu parce qu'ils sont devenus obsolètes. Alors, on peut distinguer plusieurs grands types de munitions. Vous avez déjà les munitions à projectiles uniques, donc à balles, pour parler dans le langage courant, qui sont la majorité de ce qu'on trouve, notamment pour les armes à canon rayé. Et ensuite, vous avez des munitions à projectiles multiples, donc ça, c'est notamment les cartouches de chasse destinées à être tirées dans les fusils de chasse, type calibre 12, calibre 16 et autres, qui, eux, vont plutôt contenir des petites billes de plomb ou d'acier et sont destinées à produire non plus une balle qui va devoir aller très loin de manière très précise, mais une gerbe de plomb qui doit saturer l'espace pour permettre d'augmenter les chances de toucher, par exemple, un petit gibier. Pour les cartouches à projectiles uniques, il y a trois grands modes de fonctionnement quand une balle atteint sa cible, notamment un corps. Le premier, c'est la bascule, c'est-à-dire que la balle va se mettre de travers de manière à offrir une plus grande surface de résistance et donc à dissiper plus d'énergie. Plus vous dissipez d'énergie, plus vous causez des dégâts. C'est-à-dire elle bascule ? Elle va basculer, c'est-à-dire qu'elle va rentrer, ben, par exemple, pointe en avant, et ensuite elle va se, entre guillemets, avancer de profil, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est le premier grand mode de fonctionnement, qui est le mode, on va dire, classique. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pénétrer de son diamètre. En fait, elle va d'abord pénétrer de son diamètre, puis se mettre en travers, et donc va ensuite offrir en résistance tout son profil. Donc une surface plus grande, donc qui dit surface plus grande dit plus d'énergie dissipée, donc plus de dégâts causés. Ça, c'est le premier grand principe de fonctionnement. Le deuxième grand principe de fonctionnement, c'est l'expansion. Donc là, vous allez avoir une balle qui a une pointe creuse ou molle, ou qui contient un insert, et qui donc est destinée, lorsqu'elle va rentrer dans un corps, à ce qu'on va dire en langage courant, champignonner. C'est-à-dire que vous avez une balle qui passe de quelque chose de pointu, par exemple, à quelque chose qui a la forme d'un champignon, qui va s'ouvrir comme une corolle, et donc va, bah, de la même manière, augmenter la surface de résistance dans le corps, et donc augmenter l'énergie dissipée. C'est toujours le même principe, plus vous dissipez d'énergie, plus vous causez de dégâts. Et le troisième grand principe, c'est la fragmentation. Donc là, vous allez avoir une balle qui va entrer dans le corps en un seul morceau, et qui, sous l'effet du changement de milieu, va se disloquer en tout un tas de petits morceaux, qui chacun vont avoir ensuite leur trajet propre. La différence entre une munition de chasse et une munition de guerre ? À la guerre, il est beaucoup plus rentable, si je peux m'exprimer ainsi, de blesser que de tuer. Quand vous tuez quelqu'un à la guerre, ben ses camarades vont récupérer le matériel et les munitions et vont laisser le corps sur place en espérant pouvoir revenir le chercher plus tard. Mais un mort, vous n'allez pas spécialement en prendre un soin extrême, alors qu'à côté de ça, quelqu'un qui est blessé va nécessiter plusieurs de ses camarades pour le soigner, le rassurer, l'extraire vers l'arrière. Ça va nécessiter des véhicules pour l'amener jusqu'à un hôpital de campagne, des médecins, etc., etc. Donc en fait, en neutralisant une personne, vous en avez neutralisé non pas une, mais cinq ou six qui vont s'occuper du blessé. Donc il est, si on veut être purement pragmatique, il est beaucoup plus rentable de blesser que de tuer à la guerre. À la chasse, c'est différent. Le but est de tuer net le gibier. D'une, pour ne pas avoir à le poursuivre sur des kilomètres de forêt, et de deux, pour limiter au maximum la souffrance animale. Donc le but est d'avoir une munition qui va tuer net le gibier de manière quasi instantanée. Lorsqu'on apprend à tourner la terre glaise, on nous répète de centrer notre esprit sur le tour. Se crée alors une vague, un transfert. On se projette dans le centre du tour, à l'endroit où le pot doit monter. On devient le pot, on devient la terre. Le corps se transfère tout entier dans l'objet façonné. C'est ainsi que les grands maîtres de la céramique décrivent leur pratique, comme une véritable méditation. On pourrait alors se demander ce qu'il en est de notre relation de corps à corps avec l'objet arme. La posture d'un tireur est belle. Il s'étend, jambes écartées, de travers, il s'aligne avec son objectif, avec lui-même aussi certainement. Pour l'atteindre, le toucher, dans une pure et parfaite immobilité. Poum, t'es mort. Une mort parfaite. Lorsque l'on vise, toute attention doit être portée sur la cible. On est la cible. On ne peut pas être la cible sans être un peu la balle. Tout le corps, tout l'être, est engagé à faire se rejoindre en un seul et même point spatial, la cible et la balle. Comme pour toucher du bout du doigt un point lointain. Mais sans bouger. Comme un vœu de faire se plier le monde, tel une feuille de papier. L'univers tout entier. Le vol d'une balle est complexe et ressemble au tracé de la pointe d'une toupie. La balle sort du canon à une vitesse comprise entre 200 mètres secondes et 1200 mètres secondes. Quasiment trois fois la vitesse du son. Si cette dernière sort d'un canon rayé, elle va tourner sur elle-même afin de voler de manière plus stable, mais de manière complexe et selon trois mouvements. La rotation, elle tourne sur elle-même, comme un ballon de rugby. La précession, en tournant sur elle-même, sa pointe décrit un cercle, tout comme notre planète Terre. La nutation. En parcourant ce cercle, sa pointe décrit une suite de petits cercles adjacents, comme les rosaces que dessinent les enfants. Tant de mouvements à une telle vitesse. Tant de complexité, d'équilibre, générés en une fraction de seconde. Il ne me reste d'autre choix que celui d'essayer, de passer à l'acte, de glisser lentement mon doigt sur la gâchette et de tirer. Dès lors où on va charger ses armes, pour l'instant c'est pas encore le cas, elles ne sont pas encore chargées, dès lors on va les charger, vous allez les charger, il y a quelque chose que j'ai déjà remarqué, il y a quelque chose qui change dans la pièce. Alors tout simplement, c'est la seule chose, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on est en présence d'une arme chargée, on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on est en présence d'un objet par nature dangereux, et donc il y a un tas de règles de sécurité, enfin quelques règles simples de sécurité à respecter. Donc c'est ce qui fait que, voilà, c'est ce qui change dans la pièce, c'est uniquement, voilà, on sait qu'à partir du moment où on commence à manipuler des armes et des munitions, c'est pas quelque chose de complètement anodin, puisque c'est quelque chose de dangereux. Donc au même titre que vous allez faire attention à partir du moment où vous allez démarrer au feu rouge et commencer à rouler sur la route, ben vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous n'êtes pas en train d'envoyer un SMS ou je ne sais quoi, ben là de la même manière, quand vous manipulez une arme, vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous ne faites pas autre chose en même temps. La comparaison est intéressante à ceci près que la voiture va me servir et à conduire et peut-être, si je m'en sers mal et si j'ai un accident, à me tuer ou à tuer. Alors que l'arme à feu est quand même designée ou créée seulement pour faire mal. C'est ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle une arme par destination et une arme par nature. Une arme par nature, c'est que par nature, ça porte bien son nom, ontologiquement, l'arme, elle est faite pour tuer ou blesser. C'est sa raison d'être. Alors que, par exemple, la voiture peut être une arme par destination. À partir du moment où elle sert à tuer quelqu'un, c'est une arme. Mais c'est pas sa nature propre que de tuer quelqu'un. Donc voilà, c'est ce qu'on fait comme différence d'un point de vue légal entre une arme par nature et une arme par destination. Si je prends une arme de poing monoprojectilaire, hein, donc typiquement, hein, on prend un exemple, c'est l'arme par exemple des forces de l'ordre, hein, mm-hmm. une arme de poing, et que je me mets à distance, et que je me mets à distance de vous, et que je viens tirer. Là, vous êtes à. Bah là, je suis à quelques mètres, hein, enfin, je veux dire, allez, je suis à 3-4 mètres de vous. Le projectile, bien sûr, il va être projeté. Il va donc pénétrer votre corps en générant une plaie qui va avoir une forme qui est différente selon l'angle par lequel il va pénétrer votre corps. C'est-à-dire que s'il est très perpendiculaire à la peau, ben, il va avoir une forme arrondie. Et plus il va être oblique, et plus il va avoir une forme plutôt oblongue. Donc ça peut nous orienter un petit peu sur l'angle d'arrivée du corps avec la peau. Alors maintenant, je prends un autre exemple. Je vais prendre l'exemple où j'utilise non plus une arme de poing, mais une arme de chasse. Hein, donc l'arme de chasse avec donc des cartouches qui contiennent chacune plusieurs plombs de chasse. Eh bien, cette arme de chasse, bien évidemment, elle peut malheureusement aussi être utilisée dans les cas de suicide, et donc avec des victimes, par exemple, qui vont se mettre l'arme sur la tempe, hein, ou dans la bouche, par exemple. Et là, en fait, tous ces plombs-là, comme on a un contact très proche entre la bouche du canon et, par exemple, la bouche, elles vont se comporter comme un projectile unique, et elles vont vous créer une plaie très très grande, très délabrante, et qui est très vaste, très importante, et vous n'arrivez quasiment plus à objectiver de manière très claire, notamment concernant la bouche, sa forme, parce que c'est vraiment très déchiqueté. C'est la fin de ce premier épisode. Demain la suite, et peut-être la réponse à la question, qu'est-ce qu'une arme ?